Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien Gertin nous dira sa façon de penser dans son bulletin Gertin. Et Frédéric Bernard demandera à Internet comment penser dans le segment Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 2 décembre 2015, 146 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Salut. C'est la dernière journée de la semaine d'Assemblage Reiki. Oui, un mercredi. C'est bizarre comme ça. Il va falloir expliquer pourquoi, par exemple. Absolument. On sera pas là demain parce qu'on rénove le studio. Donc, voilà. Les émissions seront hors onde entre jeudi matin et vendredi après-midi. Donc, ça va revenir avec Sky.ca et les Bonnets Rouges à partir de 20h vendredi soir. Il va quand même y avoir des émissions en rediffusion ou pré-enregistrées. Donc, on va être là quand même pour vous demain matin. Mais nous ne serons pas en direct. Malheureusement. Absolument pas en direct. Ça va être des moments, là. Mais nous, on trouve ça pas si pire parce que ça va nous donner le temps de dormir un peu. Oui, ben déjà qu'on peut dormir le vendredi, donc un petit jeudi de plus le matin. Ouais, ça va bien se prendre, je pense. On se plaint de même, mais ouais. On se plaint, ouais, t'as raison, on devrait pas se plaindre. On est là vie. Comme ça, oui, tout à fait. Peut-être pas ce matin parce que je tiens à dire que sur les routes, c'est quand même encore glissant. Je t'avouerai aussi que sur les trottoirs et particulièrement dans le stationnement de QTH, on n'a pas encore sorti la salière de la garde-manger. Je me suis dit, je suis partie d'ici hier et il y avait comme beaucoup de salières dans la ville, mais là, présentement, je pense pas qu'on ait passé dans les stationnements de QTR, comme tu dis. Ouais. Parce que ce matin, je suis rentrée et oh mon Dieu, une chance, j'avais mis des bottes plates. Ouais. Moi, j'ai pas de talons. J'ai des souliers, tout ce qui est le plus glissant et 5-6 fois, c'est bien passé. Ouais. Donc, faites attention, là, quand même. Oui, sortez les crampons. Bon. Oui. C'est comme ça. Bref, vous êtes à l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage Reiki. Et qu'est-ce qu'on a à vous offrir pour cette semi-dernière journée de la semaine en direct? On va voir à 8h Sébastien F. Gertin et sa chronique Bulletin Gertin, où il nous présente l'actualité du monde vue à sa façon. Donc ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard pose une question à Internet dans Google Globe, aujourd'hui sur le sujet de l'impossibilité. Ooh. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra tantôt. On a aussi ta chronique à toi, Tania is gonna entertain you. Oui. Tu sens bien? Ben, c'est mon segment de la semaine, en fait, où je vous présente des artistes que j'ai découverts grâce à différents sphères musicales, que ce soit sur Internet ou encore Spotify, Tracks, blablabla, sur téléphone intelligent. Donc, ce matin, je vais vous en présenter d'autres. D'autres? OK, un nombre à déterminer plus tard. D'artistes musicaux. C'est bien. Mais j'essaie de départir encore, sinon je pourrais en mettre tellement plein. Ben on peut découvrir des artistes tout le temps, donc... Tout le temps. C'est la mission de C'est fou. Mm-hmm. Tiens, justement, parlant de nouvelles choses, écoutons une nouvelle entrée de Baden-Baden. Voici Hiver. Tellement approprié, ça. Je sais. Assemblage OK. Félicitations pour ton choix. Merci. Moi je ne sais rien. C'est une vraie distance entre mes humeurs. Il y a parfois de longues nuits, de longues heures, à savoir si je suis fou ou pas. Des longueurs à nager juste comme ça. Je suis circulaire en ton absence, à chaque pas, pour trois fois rien. Le temps qui passe, c'est contre moi. Et j'y retourne à chaque pas et chaque fois. Le temps me presse tout contre toi. Mille éclairs dans tes yeux. Moi je ne sers à rien. En sursis, moi je suis un hiver quotidien. Mille éclairs dans tes yeux. Moi je ne sers à rien. En sursis, moi je suis un hiver quotidien. Baden Baden avec Hiver. Lui, il dit qu'il sert à rien. Il dit qu'il sert à rien. Ouais, ouais, c'est... T'sais. Mais toi, tu sers à quelque chose. Moi, en temps normal, la plupart du temps, j'essaie de servir à quelque chose. À nous divertir, mettons. Ouais, mettons. Donc, Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania! And she's gonna entertain you! Tania Baudin! Bon matin! Bonjour à toi! Ça va bien? Oui, ça va bien. On se demande si ça va bien même dans la chronique, genre. Ouais, dans l'émission surtout ce matin. Et dans la chronique. Oui! Je vais te demander en chaque chanson aussi, est-ce que ça va toujours? Ça va bien, ça va bien jusqu'à présent. Comment va ton humeur, chambre en l'an? Et chambre à l'ombre. Mais oui, ce matin, je vous parle encore de musique, évidemment, poste de radio, donc on se dit qu'on découvre tout le temps de nouvelles choses. C'est pas mal à ça que ça sert, ouais. Et je me suis comme donné pour mission de vous faire découvrir, en fait, des bands ou encore des artistes que l'on va découvrir grâce à certaines sphères musicales, que ce soit sur téléphone intelligent ou encore sur Internet. Là, je fais référence, mettons, à exemple YouTube, Spotify, 8-Tracks, SoundCloud, ouais, pour certains. Tout ce qui fait la controverse par les gens qui font de la musique, qui disent ben, que ça va tuer la musique. Ça fait de la controverse, mais en même temps, rendu en 2015, est-ce que tu peux... En tout cas, ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un long débat. Je pense que ça ne tente pas de me lancer là-dedans non. À matin. Oh non. Sauf que moi, je trouve ça le fun parce que ça fait connaître des gens de façon gratuite. Je suis pas du genre à aller acheter l'album au grand complet si je te connais pas. Tout à fait. Tout à fait d'accord. C'est... Vu que ça joue au hasard, tu vas découvrir des choses que tu n'aurais jamais écouté en 1000 ans. Exactement. Puis, je vais reprendre l'exemple de 8-Track. Si tu y vas avec tes propres codes. C'est toi qui vas taper ce que tu veux écouter et quel genre d'humeur que tu as. Je me sens chill, je me sens pop. Ouais. Même chose pour Spotify ou... Tu sais, c'est toi qui vas créer un peu ta propre playlist, ouais, dans les playlists qui te sont offertes. Ça reste le fun pour le consommateur de musique, je trouve. Oui, tout à fait. Et moins pour le musicien. Moins, peut-être. Tu fais vraiment pas beaucoup d'argent là-dessus. Exactement. Ouais. Premier band dont je vous parle, eh bien, ça se prononce Paris, mais en frais, si jamais vous cherchez, c'est P-V-R-I-S. P-V-R-I-S, comme oui, un A à l'envers. C'est ça. Il y a quelques temps, avant 2013, il s'appelait Paris, mais pour certaines lois légales et légalisations au niveau de la musique, ils ont dû changer leur nom. Donc, ils ont tout simplement décidé d'inverser le A d'en faire... Pavris. Il aurait pu faire ça directement dès le départ, parce qu'en tant que tel, un nom avec, tu sais, mettons Sons avec deux U. Ouais. Je sais pas, il y en a plein des bands comme ça qui choisissent de mettre des lettres doublées ou des lettres à l'envers ou des triangles, tu sais, comme Alf J qui est un triangle, leur logo, tu sais. Si tu veux te faire trouver sur Internet, Paris en tant que band, tu vas probablement pas tomber dessus avant quelques c'est pages. Sûr. Mettons dans Google Globe, là, mettons que Frédéric Bérard a marqué Paris. Là. Ouais. C'est sûrement pas le band qui tomberait. Probablement pas. Je pense qu'il tomberait probablement sur la page Wikipédia de la ville. Eh bien, qui sont-ils en fait? C'est un band américain. Je pense que c'est la première fois en comme 3 semaines que je présente un band américain. Ah? Et là, suspense, j'en ai 2 ce matin. Donc, je pense que j'étais dans les bands américains sur Spotify. C'est un band américain de Lowell au Massachusetts qui est formé de Lindsay Gunnelson. Fans. Gonna Fall For You. Ouais, c'est ça. Gonna Fall For You. Gonna Fall. Alex Babinski et Brian McDonald. J'adore son nom, Alex Babinski. Oui. Avoue que tu peux pas être malheureux en disant ce nom-là. Alex Babs Babinski. Alex Babinski. Son surnom, c'est Babs. C'est automatiquement, ça te met un sourire dans le visage quand tu fais le pas. C'est comme Babs Bunny. Dans ouais. C'était quoi, dans Tiny Toons, ça? Ouais, Looney Tunes. Ouais, la ouais. fille. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Babinski, à vous. En tout cas, je vais passer la journée à dire Babinski à matin, je pense. Donc, comme je le disais, c'est un band qui, à l'origine, s'appelait Paris, qui ont changé leur nom. Ils ont déjà 4 albums à leur actif. C'est ce qu'on appelle un peu des EP, donc quasiment des maquettes, je dirais. Il y en a une acoustique, il y en a une où que, elle est... c'est leur propre nom, donc l'album porte le nom, tout simplement. Homonyme, qu'on appelle. Exactement. Et en 2014, ils ont sorti Rise and Velocity avec leur single Saint Patrick et leur premier vidéo. Donc, c'est comme ça que la plupart du temps, ils se sont fait connaître. C'est par la suite, ils ont lancé leur nouvel album aussi qui était The White Noise. Je dois avouer que ce matin, quand j'écoutais ça, je me sentais un petit peu perplexe sur le genre musical parce que ça passe, même dans la chanson, d'électropop à rock. Quasiment, je voudrais pas dire emo, là. Mais tu sais, dans le temps où que c'était un genre musical, ouais. C'est encore un genre musical, ça, d'être emo. Mais c'est dur à dire, je sais pas. C'est difficile, hein? Mais le style musical, ça reste parfois bon, je trouve, de l'emo. Oui, tout à fait. C'est le style de gens qui écoutent de l'emo, des fois, qui peut être un petit peu plus douteux. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est comme un... Si on le traduit un peu en littérature, c'est genre ces artistes-là qui vivent avec le spleen. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que le spleen? Non. C'est genre le mal de vivre constant. Oui, grand corps malade. Exact. Oui, aussi. Donc, à certains moments, eux-mêmes se décrivent comme psychédéliques dans leur genre musical. Okay. C'est quand même assez élevé, là. Ouais. Mais je trouve ça très bon. Je trouve que la voix de la fille est particulière aussi. Je sais pas si tu as réussi à trouver les chansons que j'avais placées. Alors, voyons donc. En fait, la pièce musicale que j'ai découverte ce matin, c'est la pièce qui s'appelle Mirrors, qui est... nouvellement trouvable depuis novembre. Nouvellement. Ouais, depuis 2014, mettons. Ça fait ouais, un an et un mois. An. Là, mais ouais. Mais je vais avouer que ce matin, en faisant des recherches, parce que oui, j'ai fait mes recherches ce matin, j'ai découvert beaucoup d'autres chansons que peut-être j'aurais préférées à celle-là, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Puis je voulais vous présenter la pièce qui me les a fait découvrir, en fait. Donc, on va écouter Mirrors. See a trace or an outline. See your name into a mirror 3 times. Said it 3 times. Said it 3 times. But when you float above my body, I can see clearly straight through the ceiling. Darling, don't be so shy. I'll see you. Save us. Avec Mirrors. Et je trouvais ça quand même intéressant parce qu'il commence une tournée aujourd'hui aux États-Unis. Donc, si jamais, je sais pas moi, vous allez voyager durant le temps des fêtes ou quoi que ce soit, en Floride ou peu importe, ils vont être dans ces places-là. Alors, faites un tour sur leur page Facebook. Comme je le dis, c'est un band quand même assez rock, mais on aime ça. Moi, j'ai adoré ça. J'aime le fait que ce soit une fille qui dirige des gars dans un band. Ouais. Je dois avouer que quand ça arrive, moi, c'est girl power. Girl power. Oui. Donc, c'est Paris. Je vous le rappelle, par exemple, le A est inversé si jamais vous les cherchez. C'est un V à la place. C'est un V à la place, tout ça pour... C'est pas Paris, ça. C'est ça. Le deuxième artiste que je vais vous présenter, eh bien, c'est un artiste solo. Il se fait appeler Rue Paines. Son prénom, en fait, c'est Andrew. Donc, Andrew Rue Paines, qui est né en 88, donc devrait avoir aux alentours de 27 à peu près. On va faire rassemblant. Si on calcule ça, ben, vite fait, bien fait. Je préfère ne pas le faire. En fait, lui, il est évidemment de l'Angleterre. Ah ben oui. Tu sais, je peux pas passer à côté. J'aurais pensé Australie, étant donné que son surnom est Rue, comme un kangourou. Ah oui, ça mais non. Mais non, je suis désolée. Non. C'est un Anglais. Et c'est, je dirais, folk, acoustique, limite pop. Ah, oh. Je voudrais pas trop dire pop parce que la pièce que moi j'ai écoutée ce matin, je trouvais pas que c'était pop. J'ai pas trouvé que c'était si vendeur quand même, là, faut le dire. Il est très vendeur. Accessible, disons. Bien accessible. Il a une belle gueule. Yeah. Donc évidemment, ça gagne des points si jamais il veut être bien connu. À la radio, là, c'est une belle gueule, on joue, c'est non, ça. Non, mais si vous voulez aller voir sa page Facebook, ouais. Mesdames, rendez-vous sur la page Facebook. Et certains messieurs. Oui, certains messieurs aussi, si jamais ça vous tente. Ce qui m'a surpris, par contre, c'est qu'en cherchant Rue Paines sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que, comparé aux autres groupes que je vous présente ce matin, il n'y avait tellement pas beaucoup de fans. Ah. Tu sais, mettons, si je veux dire, je mets les guillemets, là, caméra 3. Oui, de fans. Exemple, si on compare avec Paris, qui en avait 135 000, il y en a seulement 30 000. Ouais. Like, là, sur sa page Facebook. C'est pas mal plus que nous autres. Pas mal plus mais que nous autres. Mais il est au niveau international, lui. Mais oui, ça, tout à fait. Ça, c'est sûr. Il y a un nouvel album qui va sortir en 2016, donc en février 2016. Mais pour le moment, j'ai le goût de vous faire écouter Indigo Home. Comme je le disais, c'est un petit peu plus acoustique, folk, soul. Tu sais, quand on aime ça, quand il nous chante dans le creux de l'oreille. Là. Ouais, ouais, ouais. Bon. Il te susurre. Ouais, c'est ça, quand il susurre des mots à votre oreille. Bon, ben, Rue Paines, c'est un peu l'artiste que je décrirais comme ça ce matin dans ceux que je vous présente. Et c'est un peu ce qui me fait pencher dans la balance pour cet artiste-là, c'est tout ce qui est authentique dans sa voix. Alors, je vous laisse juger par vous-même. Andrew Rue Paines avec Indigo Home. Dry eyes, roaring falls, God knows I've traveled far, so far, but this is where it ends. Found me, right about the time that I found you. For once, I was doing something. Night fell, you asked, are you lost in paradise, my love, or have you found a home? It's an awfully lonely road to walk alone. But as I search for flashing in the go, I see that go true. That I loved you. That I loved you. Dawn woke and knew that it was time for my return, but this time it would likely hurt his head. Sometimes way across the ocean on a far away shore, we both stand and we both that if you give love and live love, then you'll never be alone. Yeah, if you give love and live love, then you'll always have a home. Yeah, if you give love and live love, then you'll never be alone. Yeah, if you give love and live love, then you'll always have a home. My love, oh, have you found a home? It's an awfully lonely road to walk alone. But as I searched your flashing indigo eyes, it echoed true that I loved you. That I loved. We were lost in the fields, trading tales of hope. But everyone knew that your gaze was my home. We were lost in the fields, trading tales of hope. But everyone knew that your gaze was my home. Are you lost? In paradise, are you lost in paradise? Are you lost in paradise? Are you lost in paradise? My love is lost in paradise. Are you lost in paradise? Are you lost in paradise? Are you lost in paradise? My love. Haynes et Indigo Home. Lui-même dit que ses chansons sont personnelles et vulnérables, mais que c'est pour ça qu'il fait de la musique un peu, parce que de prendre juste le temps, mettons, dans une journée, une heure, pour écouter un album complet, ouais. Parfois, ça te fait tellement comprendre plein d'affaires. Je vous invite, en fait, à aller faire un tour sur son site internet, qui est rupaines.co.uk. Il va falloir les plier, là. Oui, oui, oui. Ben, je vais le mettre sur la page Facebook d'Assemblage Reiki, de toute façon. Mais Roo, c'est R-O-O. Oui. Paints, P-A-N-E-S. Comme Panace. Exactement. Juste d'aller dans la section About, c'est sûr que c'est en anglais, mais lisez le texte que lui-même a écrit. Je trouve ça magnifique et la raison pour laquelle il fait de la musique. Et c'est un peu ce que je voulais vous transmettre ce matin dans sa chanson. C'est réussi. C'est comme ça. C'est comme ça. Le troisième que je vous présente... C'est comme ça. Le troisième que je vous présente, eh bien, c'est un groupe de Seattle. C'est Fleet Foxes. Ah, c'est bon, ça, je connais tu ça. Tu connais? Ben oui. C'est un groupe composé de 5 membres, dont Robin Picknold, qui est le chanteur. C'est un peu folk, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, indie, très, oui. Folk. Je sais que t'es pas le plus grand amateur de folk, en plus. Non, mais... non, mais ça, c'est vraiment réussi. C'est très... c'est mélodieux. Mélodieux. C'est vrai, très mélodieux. Ils sont en tournée depuis quand même le printemps 2008. Oui. Ouais, ça... cette pièce-là date quand même de probablement 2008-2009. En effet. J'aime beaucoup leur style musical. Le chanteur a annoncé sur sa page Facebook en 2014 qu'il s'était inscrit à l'université. Félicitations. Donc, il n'a pas eu l'occasion d'avoir un diplôme universitaire, malheureusement, mais cependant, il continue parallèlement à faire de la musique, à composer, à écrire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Ben, en théorie, n'existe plus? Triste. Et c'est comme un peu difficile à juger. En attente d'un retour éventuel, peut-être. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Tu sais, quand j'ai fait mes recherches, le site officiel qu'ils me présentaient, c'était leur page MySpace. Ouais, exact. C'est ça. Ça dit tout, ça. ça dit pas mal. Et hein, c'était vraiment quand même assez gros dans l'underground à l'époque, là. Oui. Les Foxes, tout le monde en parlait dans les radios universitaires. C'était quelque chose. Fait que finalement, t'es en train de me dire que je suis en retard sur tout le monde. Non, absolument pas. T'es jeune. Un peu. Non, mais. Tu travaillais pas ici. À ta défense. Exactement. T'étais pas dans une radio underground. T'étudiais dans une radio qui forme des animateurs pour aller dans d'autres radios que les radios universitaires. Oui, tout à fait. Pour ne pas nommer de nom. Mettons, là, puis je me suis dit que la pièce musicale, en fait, que je vais présenter, on est le 2 décembre. Là, il y en a beaucoup sur Internet qui chialent qu'on va commencer à voir les fameux lutins faire des niaiseries. Ça, c'est une chose que je comprends pas. Hein. Ouais. Mais ce sera le débat d'une autre chronique. Il y a plein des choses mainstream qu'on comprend pas. On est exactement tellement snob, là. Ah, je sais. Tellement ça n'a pas d'allure. En fait, la pièce, ça parle d'hiver. C'est White Winter Hymnal. Et j'ai comme le goût, tout de suite après que tu lances l'autre, puis boum dans ta face. On reviendra en parlant des deux artistes, tout génial simplement. White Winter Hymnal, The Fleet Foxes. C'est fou. And I will hold you tight like the moon in the arms of the sky. And I will keep you warm. I will build a fire in this house. And I'll build a fire, you fetch the water, I'll lay the table. And in our hearts we still pray for sons and daughters. And all those evenings out in the garden with red, red wine, These quiet hours turn into years. And I wrap myself round your heart. I'll be the walls of his heart. And I'll keep a light on to call you back home. And I'll build a fire, you fetch the water, and I'll lay the table. And in our hearts we still pray for sons and daughters. All those evenings out in the garden, red, red wine, those quiet hours turning to you. Just building our kingdom, but it's all to come. Now build a fire, confess the water, I'll lay the table. And in our hearts, we still pray for sons and daughters, and all those evils. Et ça, c'était Almon Brown. C'est mon dernier artiste que je vous présente. Je vous dirais qu'il est vraiment très émergent. On n'entend pas beaucoup de parler de lui ici. Il est anglais. C'est un autre anglais. Ben oui, évidemment. Ce matin, je vous présentais... Un vrai muffin à matin, toi? Deux anglais, deux américains. Elle est quand même pas pire, là. Mm-hmm. Pour une fille qui entend normal. Australie, Amérique. T'aimes ça exotique un peu. Ouais, c'est ça. Assume-toi. Donc, qui est-il, en fait? C'est un gars qui joue un peu partout. Au travers de Londres, il joue avec plusieurs artistes aussi. D'ailleurs, on a entendu Lisa Lawrence dans la chanson Sons and Daughters. Il a aussi joué avec Paul Herman, qui est un acteur américain. Il joue un peu de plus en plus à New York, Paris aussi. On devrait entendre parler de lui de plus en plus dans les prochaines années. J'ai comme le goût de dire années, non pas semaines ou encore mois, parce ouais. que siècle, d'essayer peut-être? De siècle, peut-être pas, décide. Mais tu sais, allez faire un tour sur sa page Facebook. Il poste beaucoup de vidéos. On le sait, en 2015, c'est quasiment rendu la façon de se faire connaître, là, de faire le plus de vidéos possible, puis de poster ça sur les internets, les réseaux sociaux. Ma grand-mère. Ouais. Exactement, les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup, beaucoup d'activités sur sa page Facebook. Il n'y en a pas beaucoup sur son site internet, malheureusement. Mais c'est les deux seules places où j'ai réussi à trouver qui était Almon Brown. Ouais. Alors, son site internet, c'est vraiment très facile. C'est almonbrown.wordpress.com. Déjà, en partant, c'est même pas un juste.com, c'est un bon, blog. Regarde l'élitiste, là. Non, mais tout ça pour dire que c'est difficile de trouver des informations par rapport à un artiste qu'on veut présenter quand il est pas extrêmement connu. Au moins, c'est pas un MySpace. Ben, au moins, c'est pas une page MySpace. Fleet Foxes, c'était un MySpace. T'as bien raison. Ouais. Donc, c'était Almon Brown, puis tout juste avant ça, bien, c'était Fleet Foxes, avec la petite pièce que je trouvais qui était de thématique avec la température qui s'en vient. C'est mélodieux, c'est froid comme, c'est faux, réchauffant. C'est... Ouais. C'est ça. Des styles très différents ce matin pour les quatre artistes, mais haut donc plaisant dans les oreilles. Absolument. Merci, Tania Baudin. Bien, merci, Mathieu Plante. On se retrouve une autre fois pour Tania is gonna entertain. Mm-hmm. Pour l'instant, prends une pause et au retour, c'est Sébastien Yves Gertin et sa chronique Bulletin Gertin. Assemblage requis, restez avec nous. Summer.

with love. Philippe Bernard, on s'est dit qu'on chantait pas ses intros sur l'intro de Indiana Jones, c'est un manque de respect, mais... Mais non, chose ça s'améliore. Merci. T'as de l'air plus convaincu. Ah oui? Oui. Je vais le prendre. Ça part du charme. En forme, Philippe Bernard? Oui. Belle semaine, jusqu'à maintenant? Hi! Pas là-dessus. Pas là-dessus. Si tu veux qu'on en parle. Pour résumer mon début de semaine, en fait, il faut savoir que je travaille, entre autres, une bonne partie de mes semaines. Alors, lundi, je fais un 10h. Je fais de l'impro le lundi soir, je joue un match. Mardi, je fais un 10h. Je joue de l'impro le mardi soir, je fais un match. Ah oui! À 11h, je fais ma chronique. Oh, je te comprends, oui. À minuit 40, je suis couché. Puis j'étais avec vous un matin. Ah non, je comprends ce que c'est. On comprend, Les longues journées, c'est... Mais ouais, mais tu sais, on dirait que maintenant, c'est l'adrénaline qui a embarqué pour le reste de la semaine. Je suis comme plus... ça va bien aller. Rien n'est impossible, n'est-ce pas? Et foi. Et oui. Et de là vient la question, en fait. C'est pour ça que je parle de ma semaine, pas parce que je suis quelqu'un avec un ego surdimensionné. Ça, c'est la job de Tania. Exactement. Qui aime se plaindre et avoir des petits bobos. Non, du tout. Ah. Je ne me plains pas. Je vois le doute dans ton visage, Tania. Ouais, non, je suis en train de me dire que j'aime pas tant me plaindre sur mes petits bobos. Non, ça, c'est vrai. T'aimes pas tant me plaindre, non. Oh, mais j'ai un ego surdimensionné, ça, c'est vrai. OK. C'est correct, ça c'est plus acceptable. Donc, avec une semaine comme ça et sachant que ma semaine n'est pas finie parce qu'elle se poursuit. On est au milieu, à peine. Ben oui, pas encore, on va être au milieu à midi à peu près. Ouais, c'est ça, on n'est pas encore au milieu. J'ai posé la question à Google, comment se préparer à l'impossible? L'impossible est un mot qui n'existe pas. Oui, mais sauf dans Google. Google, selon lui, le mot existe beaucoup parce qu'il m'a donné plusieurs résultats. Et on va continuer, on va faire les millions, les premiers millions, c'est ça? Les premiers, oui, c'est ça, de résultats. Alors, on peut commencer de ce pas, de la page 1 à 5. Mmh. Alors, premier résultat, connaissez-vous Elon Musk? Oui. Non. On prononce Elon? Elon. Elon Musk? Moi, je le connaissais pas. C'est le gars de Tesla, ça. Hein? Ah, c'est lui, ça? Ouais. Oui, c'est ça. C'est Tesla, mais c'est Solar aussi, de Solar, je sais plus quoi. Solar, puis ça. Puis SpaceX. Oui, SpaceX, c'est ça. Oui. Ouais. Fait que c'est ces trois compagnies-là. Pour résumer, ces trois compagnies-là, en fait, c'est un good, un entrepreneur de la Silicon Valley. Mm-hmm. Dès qu'on dit ça, on peut tout de suite imaginer. Évidemment. C'est ça, le gars qui travaille fort. Un nerd qui travaille fort. Oui, je sais pas si Elon Musk peut être considéré nerd. Je sais que c'est un grand entrepreneur, mais je sais pas au point de vue technologique. Ah, il touche pas mal à SpaceX, Tesla, c'est pas mal. C'est technologique pas mal. Ouais, c'est technologique. Ça paraît pas, mais c'est... OK, aussi. On le déclare technologique. Oui. Ben, nerd. SpaceX, en fait, son premier projet, c'est Tesla, si je me trompe pas, qui est l'automobile électrique. Exact. Son deuxième projet ensuite, c'est Solar, je me rappelle plus quoi, Solar Society ou Solar quelque chose. C'est les panneaux solaires, faire de l'électricité avec les panneaux solaires. Et son dernier projet, SpaceX, c'est pour envoyer des fusées dans l'espace. Il y a un gros projet avec la NASA autour de ça. Bon, maintenant, c'est pour résumer à quoi il touche. Le gars me fait peur. OK. Beaucoup. probablement que ça paye bien travailler dans ces entreprises, mais probablement que tu ne veux pas travailler dans ces entreprises parce que si moi je trouve que ma semaine est difficile, un employeur dans son entreprise doit trouver que ça n'a pas de bon sens. 10 heures par jour, voyons donc. Le gars demande à ses employés, c'est parce qu'il y a eu une biographie et l'article. De dormir là, non, c'est pas. Oui, c'est ça. l'article que je vous propose, en fait, c'est quelqu'un qui est sur son blog qui a un article assez sérieux par rapport à la biographie d'Elon Musk et il le compare à Tony Stark. Alors, Iron Man de Marvel. Pour vous donner une idée, c'est un gars qui cherche beaucoup les caméras, qui a beaucoup de charisme, qui est beaucoup d'argent, incroyablement d'argent. C'est quelque chose. Tu peux le taper dans Google Images puis me le dire qu'est-ce que t'en penses. T'es là pour ça, dans le fond, Tania. C'est juste pour ça qu'il nous dit si les gars sont cute. Nous, on n'a pas le droit de se prononcer. Si voulez-vous des noms? On avait le droit de savoir. On en a trouvé un la semaine passée. Ah, il est cute! On a notre réponse. Puis il a juste 44 ans. Ben oui, c'est ça qui est fou. Là. Il a juste 44 ans, il a trois entreprises, puis ce gars-là est parti depuis les années 2000. Là. Il me fait un peu penser à... Solar City. Tu sais, là, Luc, le millionnaire, ici, là, au Québec... Vous savez pas qui il est. Luc, il ressemble un peu. Il avait participé à Occupation d'Oublie. Ah, wow. Bref, il y a une babyface. Oui, c'est oui, mais oui. Mais moi, j'aime ça, les bébés. Et t'aimes ça, les gars vieux aussi. Ouais, aussi. Et s'il est vieux puis qu'il a l'âge jeune, t'as comme un combo gagnant. Exactement. Voilà. J'ai dit oui à tout ce que je disais. C'est ça, ça c'est finalement, personne ne sait si c'est vrai. Mais bon, bref, le gars me fait peur. Elon Musk, en fait, vous avez vu, bon, il y a la Babyface, vient de la Silicon Valley, il y a trois entreprises, puis il demande à ses employés, quand il engage un employé, il demande à ce qu'il soit célibataire, qu'il soit le meilleur de sa cohorte, alors vraiment dans le top de sa cohorte, et qu'il soit prêt à travailler, bon, et qu'il soit convaincu des idéologies d'Elon Musk, et lui, il veut trouver une solution pour l'humanité, pour les changements climatiques. C'est ça son but. Okay? Et il utilise tout son argent, Tesla, SolarCity, SpaceX, même SpaceX. C'est... Oui, il travaille avec la NASA avec ça, mais c'est dans le but de peut-être féconder Mars. What? Ouais, c'est il est mindé, là. Ah ouais, ouais, lui, il est dedans, là. Tesla, c'est des autos électriques. Ouais. Aussi, là, pour ceux qui ne savaient pas. Et la dernière affaire qu'il demande à ses employés, il demande d'être convaincu de ça. Et la dernière chose, il demande à ses employés d'être prêt à travailler 90 heures par semaine. C'est plus que le double du temps plein et pas mal encore. Ouais. Par semaine. ça a pas de bon sens. Ça dort pas souvent ce monde-là. Et non. Et ça a pas le choix d'être célibataire. Et ça a pas le choix. Ça va finir célibataire. Bon, ben j'allais travailler là-bas. Puis il le spécifie, soyez célibataire. Il n'engage que des célibataires. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait si. Probablement des gens asexuels aussi, là, genre là, qui ont aucune envie d'être en couple et d'avoir des relations. Qu'est-ce qu'il fait si. Surtout pas entre employés. Non, c'est ça. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait s'il se trouve un couple, s'il tombe en couple, genre pendant qu'il travaille pour lui? Tu le dis pas. Mm. Non, c'est ça. Mais il y a réputation de virer assez facilement aussi ses employés, d'être assez un dictateur au niveau de ses employés. Entre autres, ses employés ont vite appris que lorsqu'il lui soumet un problème, il faut tout de suite avoir une solution ou avoir un plan de solution. Par exemple, il y a des employés, parce que sinon tu te fais virer sur le champ. S'il y a un problème puis que t'as pas de solution. Il y a des chercheurs pour l'entreprise Tesla qui savaient qu'il y avait un problème avec l'auto. Mais quand ils sont arrivés pour dire à Elon Musk, ils savaient tellement comment que la personnalité qu'il avait, qu'ils lui ont proposé des CV partant et déjà potentiellement qui pourraient venir aider l'entreprise. Et ils avaient déjà fait toutes les recherches. Il y avait juste à dire OK. OK. Wow. Wow. Hein? Le régime de terreur. Wow. L'autre affaire qui m'avait fasciné quand j'ai lu l'article, c'était... Bon, OK, il y a cette réputation-là. Ce gars-là met des barèmes impossibles à respecter. Par exemple, pour la Tesla, la première Tesla, il avait fondé l'entreprise et... non, c'est faux, c'est SpaceX. Il avait fondé l'entreprise de SpaceX et il avait promis que 6 mois plus tard, il enverrait une fusée dans l'espace. Mmh. Wow. 6 mois plus tard, c'est impossible. Okay. Impossible, la fusée a été envoyée, je pense, quelque chose comme 6 ans plus tard, là. SpaceX, là. Fait que c'est... Mais ces gens-là sont tellement, genre, crinqués la plupart du temps, là. Tu sais, ça devient quasiment de la folie. Le génie frôle souvent la folie. C'est ça. C'est ça, dans le fond, l'article, ce qu'il propose, c'est d'écrire comment ce gars-là a autant de succès en 7 points. L'article, si tu veux remonter, Tania, s'appelait « 7 stratégies qui permettent à Elon Musk de réaliser l'impossible ». Alors, c'est tout ça, c'est tous des petits trucs comme ça qu'il fait. C'est fou. 89.1. Oui. C'est quand même assez impressionnant, par exemple. J'avais envie quand même de mettre la photo juste à côté de la face de Frédéric Bernard pour lui montrer à notre caméra 3 comment Frédéric Bernard plus vieux va avoir l'air, je trouve. Ah! Il a la barbe pareille. C'est vrai. En tout cas, vous avez la même barbe. Faut que je me... Allez voir une photo de Frédéric Bernard sur Facebook. Une photo d'Elon Musk sur Google Images. Mettez ça côte à côte ou sinon on fera un montage photo sur la page. Si vous êtes majoritaire à dire que j'y ressemble, ben plus tard je serai millionnaire. Je pense que tu vas être millionnaire plus tard. Mais c'est juste un sondage. Faut que le sondage passe, puis si ça passe, c'est correct. Mais je le deviens. Comme on dit, si c'est sur Internet, c'est vrai. Oui. Fait qu'il va falloir le mettre sur Internet. C'est ça. Frédéric Bernard, le futur millionnaire. Je pourrais prendre toutes les photos d'Elon Musk où on le voit à côté d'une Ferrari dans un avion tout, puis dire ben, regardez comment où je suis. 6 mois plus tard. Wow. Génial. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, on a posé la question à Google de comment se préparer à l'impossible. C'est pas vraiment une question, c'est plus une phrase. Comment se préparer à l'impossible? Je trouve pas que c'est une question. Fait que on peut pas dire qu'on a posé une question. Je trouve. Non, c'est vrai. Okay. Mais ben oui, on a posé une question. C'est pas une question comment se préparer à l'impossible. C'est pas une question. Comme, oui, mais il y a une pointe. Comment, en tout cas. Ben, en tout cas, s'il n'y a pas de point d'interrogation. Arrête-tu de défaire mes chroniques? Non! Bon, ben, je m'en. Mais je m'en vais me coucher. Donc, le deuxième, allons-y avec une citation sur le site sepréparer-aux-crises.fr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Connais-tu Arthur Conan Doyle? Oui, l'auteur de... Ah, je m'en fais pas. Bon. Dis-moi parfait. Là. Non, c'est parfait. C'est l'auteur de quoi? J'aurais même pas dû dire son nom. Mais la citation étant « Lorsque vous éliminez l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. » Wow. C'est beau, hein? C'est pas tant fou comme idée. Hein? Bon, ben j'ai une histoire à raconter, OK? Que j'ai su dernièrement. Parce que le site, c'est, ça parle juste de ça, puis après ça, il y a genre un espèce de poème. Que j'ai pas compris. Donc, tout ça, c'est juste pour vous parler d'une histoire. Il y a un médecin dans des années, 1800, si je me trompe pas, avec Arthur Conan Doyle, justement, un professeur en médecine qui était très réputé en Angleterre. C'était un professeur vraiment très fort. Il avait un sens de la déduction assez incroyable. Il disait, justement, dans ses cours à ses étudiants qu'il faut absolument avoir un sens, être à l'écoute et vraiment avoir un sens de l'observation pour détecter justement le problème du patient, parce que souvent le patient ne le sait pas lui-même ce qu'est le problème et peut-être que des fois le patient peut mentir aussi. Donc, il enseignait ce sens de l'observation-là et il dit à la classe, je vais vous faire un exemple de comment bien observer quelqu'un. Et une personne rentre dans la classe, un civil, et le professeur regarde, prend peut-être 2 minutes pour observer la personne et il fait... Voilà, vous êtes un ancien militaire. Vous venez de rentrer, vous ne pouvez plus exercer parce que votre main gauche vous fait défaut. Vous n'êtes plus marié. Vous n'avez pas de femme. Vous êtes quelqu'un très propre de sa personne. Vous êtes quelqu'un. Et là, il commence à décrire la personne. Et là, la personne est stupéfaite parce qu'il est habillé en habit civil. Ben, comment savez-vous que je suis militaire, entre autres? Il dit, ben, vous vous comportez trop bien. Quand vous êtes rentré, vous avez enlevé votre par-dessus. Ben oui. En enlevant votre par-dessus, c'est une façon militaire de se présenter. Donc, je sais que vous avez été militaire. Votre main gauche reste dans votre poche alors que votre main droite bouge. Donc, votre main gauche vous fait défaut. C'est probablement pour ça que vous n'êtes plus militaire. Et ainsi de suite, il commence à y donner toutes sortes de raisons comme ça. Puis vraiment, le gars, vous n'avez pas de femme parce que vous avez une érection en ce moment. Exactement. Exactement, parce que vous regardez toutes les filles de la classe. Vu qu'il y en a juste une à l'époque, ben, vous regardez juste elle. Fait que... Et dans sa classe, dans ses étudiants qui observent cette démonstration-là, a un certain Arthur Conan Doyle qui va plus tard écrire Sherlock Holmes. Oh! Ah, Sherlock Holmes! Maudit! C'est beau, hein? Sherlock Holmes! Voilà, c'est tout. Prochain. Excellent histoire, non, pour vrai, c'est bon. Mais c'est vraiment hot, la façon d'observer les gens comme ça, là, de façon assez exceptionnelle. Tu sais, j'écoute beaucoup d'émissions de FBI, là, puis ils apprennent à faire ça, mettons, quand tu rentres quelque part. Là, c'est quand même assez malade. Moi, ça me fascine. Là, puis que le gars, justement, il décrive, tu sais, Sherlock Holmes, on trouve tout le temps que ça sort un peu du fantasme. Mais il y a des gens qui sont capables, par observation, de... Voilà. Comme mettons, moi, je le sais, aujourd'hui, Tania, elle parle dans son micro tout en regardant ses ongles de même. Fait que moi, je pense que c'est parce qu'elle veut se refaire faire les ongles. Si, je déduis ça. Tu veux te refaire faire les ongles? Ben non, je veux apprendre à jouer de la guitare. Fait qu'il faut que. Elle essaie de s'y ronger. Mais t'es pas loin. Elle a le regret de ne pas refaire ses ongles parce qu'il faut qu'elle apprenne. Ouais, c'est voilà. Ça. Vous préparez-vous, vous, à l'amour? Attends un peu. La question, c'est quoi? Vous préparez-vous vous, à l'amour? Vous préparez-vous, vous, à l'amour? Je me prépare surtout au contraire. Je me prépare au rejet. Et bon. Voilà. Ben, un site vous propose ben, sur Elle Québec à vous préparer à l'amour. Elle Québec. Quelle ben source oui, sûre. Elle Québec. Ben oui, mais on est toujours dans les... Hey, merci, Elle Québec. Ben, alors, voilà 5 conseils pour se préparer à l'amour. Mais là, je comprends pas trop si c'est se préparer. En fait, c'est se préparer à l'amour après avoir subi un grave échec, de ce que j'ai compris. Parce que quand tu lis ça, puis surtout si on baisse complètement dans la page, parce qu'il y a une zone grise, mais on peut passer cette zone grise-là de la page, et en bas, c'est écrit « Seconde étape du deuil ». Voilà. Okay. ça annonce que c'est joyeux. Ah! Mais c'est se préparer à l'amour. Mais il y a la seconde étape du deuil. Va lire ça, mon champion. Ouais. Est-ce que tu me parles à moi? Non. Non. À ton champion, tu parles. Bref, le numéro 1, entre autres, ça parle de l'auto-analyse, ouais. Alors de s'auto-analyser. Ensuite, numéro 2, sont durs à trouver sur le site. Pour vrai, je pense que je vais vous dire. Où, hein? Sur le site, si vous baissez, voilà. Le ménage du printemps. Voilà, alors c'est que c'est en bas, il y a la seconde étape du deuil, et ensuite, en tout petit, il y a les chiffres. C'est compliqué, hein? Pas évident, ça, ouais. Je le vois. Le troisième, c'est sortir du placard. Ouais, quel placard, c'est bon. Oui. Ça, le garde-manger, arrêtez de manger. Je l'ai lu en diagonale, puis c'était tout le temps des trucs, c'est ça, tu sais, admettons, sortir du placard, c'est mieux considérer le coach, tu sais, voilà, lis-le, Tania, tu nous feras un résumé. Sortir du placard, c'est drôle, parce que là, tout à l'heure, c'était numéro 3, puis là, c'est rendu numéro 4, mais bon, c'est marqué, chercher l'âme sœur, c'est bien, mais savoir quel type d'amoureux et de relation nous convient, c'est pas mal mieux, considère-la, coach. C'est pour ça qu'un autre petit exercice d'introspection, ça va nécessaire. Le but, déterminer ses valeurs primordiales et ses véritables besoins plutôt que de dresser des portraits robots pleins de clichés genre grand, beau, avec la sens de l'humour qui disent pas grand-chose. Quand elle parle de coach dans l'article, c'est que l'article est basé sur Bénédicte Anne qui est une psychoanalyse de l'amour. Elle a écrit un livre. C'est simple de même, elle a écrit un livre. Elle est coach en relations amoureuses. Ah, voilà. Finalement, elle se prend pour Cupidon. Tu sais, je savais qu'elle avait pas d'études. Non, c'est pas vrai, je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est tout à fait gratuit, j'en ai conscience. Il y a une passe aussi là-dedans qui parlait des femmes fortes aussi à l'intérieur et qui disait les femmes fortes qui ont... qui savent ce qu'ils veulent, tout, puis qui ne veulent pas. Bon, c'était drôle. J'en parlerai c'est pas plus. C'est quoi ça disait? Vas-y. Mais ça disait, entre autres, que ces femmes-là ont peu de rétrospective sur elles-mêmes ou souvent vont mettre la faute sur les hommes lorsqu'ils ne sont pas en couple. C'est n'importe quoi. C'est toujours la faute des hommes, voyons. Voilà. C'est pas vrai. Mais quand tu te connais bien, tu sais quelles sont tes faiblesses. Tout ça pour dire que c'est clairement pas une féministe qui a écrit ça. Ouais, mais c'est drôle parce que l'article est écrit par une certaine Aurore Lehmann. Je me dis, crime-tu un homme ou une femme avec le nom Mann? Oui. Hein? Oh. C'est bon. Aurore, c'est un nom de femme. Je sais. En tout cas, j'ai une amie qui s'appelle Aurore. C'est une joke. Je la salue. Salut, oui. En Australie ou au Pérou. Non, OK. Non, parce qu'il est en Australie ou au Pérou. Moi, c'est la seule Aurore que je connais. Ouais. Avez-vous des phobies? Oui. Oui. Les bibittes. J'aime pas les bibittes. Mourir. Ah ouais, au point d'une phobie. Ah ouais, les bibittes, vraiment. Non, peut-être pas au point d'une phobie. On dirait que. Genre qui te paralyse complètement et tu peux rien faire. Ben, il y a une peur. Allons-y pour une peur. Fait que les bibittes. Ah ouais. Oh, mon Dieu. Tu parles ça pas de bras. Non. Une peur des moignons, hein? T'as une peur des moignons. C'est je savais. Ça m'écœure, là, les serpents, là. Ah ouais? Je trouve ça vénéneux. C'est pas. Oui, ok. C'est un adjectif, mais je pense pas que l'animal. Il me semble qu'il a l'air vénéneux. Mais il y a des gens qui ont l'air vénéneux aussi, puis je trouve que c'est des serpents, ouais. Alors. Ouais. Tu vois. Fait que t'as peur d'eux. C'est ça. Ah. Moi, c'est les guêpes. Ah, ah bon, moi, ok. Moi, oui. J'ai jailli profond. En fait, je sais pas si on peut considérer si c'est une peur ou si c'est un rejet. De cet insecte-là, je hais les guêpes pour mourir. Hmm. Fait que je hais ça. Parce que lors de mon enfance... non. Couche-toi sur la table. Vas-y, raconte-nous. Ben, peut-être que je n'ai pas été assez en contact avec ma mère. En tout cas, c'est ce que dit l'article. Wow. Ah, ça dit tout le temps, ça. Oui, c'est ça. Alors, dans le fond, l'article commence une séparation avec la mère trop brutale ou impossible peuvent créer la phobie. Alors, peuvent créer vraiment ces phobies. Et l'article donne comme exemple plutôt de... Ben, je le considère plutôt douteux. Un exemple où celle qui a écrit l'article dit que son fils, une fois, dans un restaurant, ne voulait pas s'asseoir sur une chaise, parce qu'il avait peur de la chaise, incroyablement peur de la chaise, mais que ce n'était qu'une phobie passagère et que c'était pour dire que certaines phobies ne sont que passagères. Ah, parce que son fils avait peur d'une chaise. Ah mais ben. Ça, c'est bizarre, hein? Mais... on n'est pas là pour juger. Non. Sauf que... Ben, ça n'est pas à quand, là. Puis là, je décide que on fait ça pas mal souvent, je pense. C'est ça. Je veux dire... Bref, pour les personnes qui veulent écrire des articles et donner des exemples, choisissez bien vos exemples. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu sais, pour nous convaincre. Commentaire éditorial. Voilà. Les prisons. Ça, c'était plutôt intéressant. Ouais, moi, je suis dread sec demain. Tu sais, je veux que le monde le sache que je change de sujet. OK, oui. Aussi, il faut qu'on sache ce que tu trouves intéressant et ce que tu trouves pas intéressant. Oui, voilà. Fait que les prisons, ça, c'était le fun. Ça, c'était le fun d'en lire. Je l'ai lu au complet, l'article. Okay, pas en diagonale. Je pensais que c'était le fun d'aller en prison. Non, ben en fait, c'est... Quel crime as-tu commis? L'article s'appelle « Se reconstruire en prison, ça frise l'impossible ». En fait, c'est Serge... Postigo. Portelli. qui parle justement... Qui parle justement bon, des prisons. Qu'est-ce que c'est d'essayer de se reconstruire en prison pour eux? Parce que le but de notre société maintenant, avec les délinquants, c'est de les réintroduire dans la société. Mm-hmm. C'est d'en faire, une mécanique. Une meilleure si on veut. Personne. Oui, c'est ça. Ben, une mécanique dysfonctionnelle de notre société qui peut nuire à quelqu'un qui va valoriser justement et qui va être utile à la société et qui va venir la compléter. Oui. Mm-hmm. C'est, bref. C'est pas mal la valeur canadienne, puis pas mal la valeur nord-américaine et européenne. Ouais. Aux États-Unis, Washington. nord des États-Unis, je pensais que c'était valeur. Mais bref, puis ça s'en va même à ça. Je dis ça pour les États-Unis, mais le Texas, je pense qu'ils ont enlevé, entre autres, la peine de mort, qui est déjà un pas vers ça, justement, la réintroduction des gens dans la société. Bref, là-dedans, on parle justement des prisons, à quel point c'est difficile pour quelqu'un de justement se reconstruire pour venir en société lorsqu'on sait que c'est l'école du crime. Alors que quelqu'un qui rentre en prison, on pose justement la question à cette personne-là. Est-ce que vous pensez encore que les prisons sont l'école du crime? Il dit plus que jamais. Plus que jamais, une personne qui rentre pour délinquance va en ressortir avec des outils incroyables pour commettre pire lorsqu'il se retrouve en prison. Bon, ben, c'est beau dire ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il existe des prisons à ciel ouvert. Alors, des prisons, des genres de villages. Un resort. Mais dans certains pays, les Pays-Bas, qui nomment qu'il y a beaucoup de prisons que c'est à air ouverte où il n'y a pas nécessairement de gardiens. Il n'y a pas nécessairement. C'est, bien sûr, ils précisent que c'est des prisonniers qui sont sélectionnés pour aller là-dedans. Ouais, peut-être les crimes financiers ou genre les trucs qui sont pas violents. Ou... Ben, c'est ça, que c'est des endroits où ils sont isolés du reste de la société et on les apprend à vivre dans une micro-société pour ensuite être réintroduits dans une société plus compliquée, si on veut. Ouais. Alors, voilà, c'était un peu une des solutions qu'ils proposaient. Bref, je trouvais ça vraiment intéressant, les prisons. Moi, je trouve que ça dépend tout ça de ton crime. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Quand c'est une question de viol, mettez-le dans les prisons à sécurité. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais qu'il se fasse violer lui-même. Hey, wow. Non, mais au moins, il va comprendre ce qu'il a fait. Ben oui, ben. Il pourrait être dent pour dent. Exactement, oui. Elle est tellement conservatrice, ça n'a aucun sens. L'Arabie Saoudite aussi est comme ça. Mais ça dépend envers les enfants. Mais. On va changer d'autres sujets. Je pensais pas que ça serait polémique de même. Ben là, voyons donc. Il y a quelqu'un qui était pas content sur Trivago. Ah! C'est tout. Hey, c'est pas dans le même domaine du tout, ça. Non, hein? C'est tout. En tout cas, il y a eu un étoile à une place, puis ça a été le seul au Jitaria Fishing Port, puis ça a été le seul à le noter. Bref, elle est pas là. C'est-tu ça la prison à ciel ouvert? Hein? Oui, je pense. Jitaria Fishing Port? Moi, j'étais pas content. Il me semble que les repas t'es pas. T'es c'est pas marqué. Impossible de se garer au mois d'août, ni en bas, ni en haut. Visitez-nous. Aurait pourtant plu, mais là, vraiment, on a essayé dans tous les sens, c'est impossible. Je suis pas sûr de comprendre la totalité, mais. Moi non plus, je on dirait que c'est vraiment mal écrit, mais ça a été. C'est tout ce que je veux dire, ça a mal été écrit. C'est fait, tu peux cliquer sur le mot horrible pour voir que les critiques horribles, mettons. Ah, pour vrai? Que les critiques. Clique donc là-dessus. Y a pas le texte, c'est juste une cote. Y a pas de texte. Mais ah, je vais à moyen, voir. Ok, j'ai moyen ici. Por lo que se ve bastante abandonado. Ah, ben oui. Ah, là, c'est clair. Non, si. Si, exact. Caliente. Voilà, on a fait plaisir au... C'est de l'espagnol, ça? C'est de l'espagnol? portugais-espagnol. Portugais, ok. Bon, on a fait plaisir à personne, finalement. parce qu'on donne des cours d'espagnol. Fait que les gens qui auraient pu comprendre. Ils auraient pu. Voilà. On est une radio qui touche les gens. Oui. Peu importe quelle langue vous parlez. Exactement. Prochaine... Está loca nueve, ocho nueve uno. La semaine prochaine, on parle allemand. OK. Attendez-vous un bébé, vous? c'est notre prochain chroniqueur, en fait. Pour vrai, il attend un bébé? Un bébé. Ah, ouais. Non, notre prochain chroniqueur est un bébé. Ah oui, qui? En fait, non, c'est vrai, il n'y a plus rien après nous autres. Non? On peut faire de blagues de Jean-François Chapdelaine qui va jouer un bébé en nombre. Ben oui. L'émission est finie! C'était vers ça que ça donne ma blague. Je vous propose un blog pour se préparer à avoir un bébé. Et là, l'importance de mettre des titres dans les paragraphes, parce que c'est longtemps. Oui, je regarde ça, puis ouf! C'est épuisant. Ce qu'on appelle dans le domaine des intertitres. Oui, c'est ça. Les titres de paragraphes. Parce que là, voyez-vous, je peux pas, genre, vanter, tu sais, je l'ai lu. Bon, je peux dire que c'est celle-là qui l'a écrit. Oui, Mireille Dion. Voilà. Puis, ben, elle parle de justement se préparer à l'accouchement, tout. Ah, il y a une partie aussi, c'est mieux comprendre son partenaire. Son partenaire. Ah, okay. Des trucs comme ça, tu sais. Bah. Sérieusement, là, les gars, je vais vous poser la question. Là. Mettons que votre blonde, elle serait enceinte. Est-ce que plus qu'elle communiquerait avec vous, plus vous sauriez ce qu'elle ressent, puis ça vous ferait sentir mieux? Ça a l'air d'une question au piège. J'aurais l'impression que oui. Mais... Parce qu'elle a dit, plus vous communiquerez avec votre partenaire, plus il saura ce que vous ressentez. Mais moi ça dépend. Je mettrais un bémol. OK, tu sais, est-ce que... dans le sens qu'on lit du tu sais, admettons, si on regarde du premier... paragraphe? Première idée qui nous vient, c'est la femme qui se met à jaser de tout et d'écrire exactement tout et n'importe quoi. Moi, je jure que si ma blonde fait ça, je m'en vais pendant jusqu'à temps qu'elle accouche. Là. Moi, non, là. Non. Tu fais pas le petit journal? Tu sais, avoir comme toutes les feedbacks les nausées, de ça à la minute. Ouais. Non. C'est trop. Mais avoir une blonde qui, oui, effectivement... t'implique là-dedans parce que effectivement tu ne peux pas comprendre en tout cas jusqu'à preuve du contraire on ne peut pas tomber enceinte non exactement ben oui effectivement on va se sentir impliqué là-dedans puis sentir qu'on a une importance oui je pense que c'est fait que pas de petit journal mesdames on se rappelle non c'est ça mais dis qu'est-ce que ça fait des grandes lignes on veut des intertitres c'est ça. Si vous parlez justement du bébé que vous êtes enceinte de ce que vous ressentez tout puis que votre chum fait bon, ben, il y a un signe. Arrêtez. Abort. Abort. Pas dans un avortement. Oh non! C'est pas ça que je voulais dire. La démographie va baisser à cause de toi, là. Parce qu'il y en a qui sont moins patients que moi encore, là. Encore? Oui, ça, c'est sûr. Je pense que ça dépend de votre conjoint. Ça dépend du niveau de patience. Allez-y, madame, avec votre conjoint. Puis je pense qu'il y a certains conjoints qui eux demandent ça, justement, à avoir plus. En tout cas, je sais pas, on parlera. On invitera une personne sage-femme. L'affaire du journal, là, même si moi je tombe enceinte, là, je me taperais ses nerfs. On voit souvent dans les séries télé tu sais, quand ils se préparent là, à l'accouchement, les cours prénataux. Hey, j'ai-tu peur de ça, moi? Non, j'avoue. Mais est-ce que si ta blonde te le demande, tu vas y aller? Bon, c'est quoi le next? On passe le message à Annabelle. Bonne chance! On va peut-être y aller parce que ça va juste créer des bad jokes. Ah, ça, je te l'accorde. Oui. Il va pouvoir venir nous le raconter en ondes. Oui, c'est ça. Je vais faire un retour en ondes par rapport à ça. Bref, je n'ai que 23 ans depuis quelques mois et je ne suis pas à veille d'avoir un bébé. Donc oui, je parle tout à fait au travers de mon chapeau. Je tiens juste à le préciser. On fait ça chaque matin, c'est quand même. Ah, trop tard, Annabelle. La technique du signe noir. Et je précise qu'il y a une faute dans mon truc. Le signe noir, l'animal, le signe, non pas comme un signe comme bonjour. C'est l'oiseau. C'est plus exactement l'oiseau. Donc, vous le corrigez dans votre tête. Alors, le signe noir. Qu'est-ce que c'est le signe noir? Ben en fait, c'est une technique pour se préparer justement à des sinistres. Je l'ai lu en diagonale encore, excusez-moi. Il devait être rendu 11h45. Minuit 12. Mais bon, le signe noir, en fait, c'est une technique que beaucoup utilisent justement pour se préparer justement à des séismes, à des trucs désastreux. Je l'ai lu, j'ai plus ou moins compris la technique. Bref, je vous envoie cette technique-là si vous voulez la lire plus en profondeur. Avez-vous des techniques pour vous préparer à des désastres? Non? Je suis en train d'y penser en ce moment même, ben, live. Là. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait un film, là, à chaque fois que j'écoutais ça, là, ça me faisait tellement peur. Et c'est une affaire de volcan, je me souviens plus exactement c'est quoi le film. C'est un film américain. Un désastre, justement, que ça... C'est ça, un village, à un moment donné, ils sont sur la lave, sur une auto ou un affaire de genre. Oui, quelque chose de même. Je pense que j'ai vu le même. Ça, puis les tornades. Ouais. Le film Tornade, là, ça m'a fait réaliser que si un jour il se passe de quoi, faudrait peut-être que je me prépare. Mais les chasseurs de tournades, c'est assez fou là, oui, quand ben on regarde dans, ça. Là. Dans le film, là, ils coupent des canettes de Pepsi, là, puis ils font une grosse affaire. Puis ça, c'est dans le film Tornade. J'ai vraiment le goût de trouver. Vous savez pas de quoi je parle. Ça a l'air réaliste, en tout cas. Je suis sûr que ça se peut, tout ça. C'est ça qui arrive. Je te donne un truc, Tania, s'il y a une tournade à un moment donné, fais pas ça. Ouais. Voyons. Ok, oui. Hey, excusez-moi, j'ai eu un bug parce que je me rappelais plus de mon prochain. Oui. Qu'arriverait-il, dans le fond, c'est le site CA. Je vous ai mis un lien vers le site CA. Qu'arriverait-il si on n'aurait pas, on n'aurait plus d'auto? Alors, notre auto, on n'y aurait plus accès. Là, c'était pour préparer les personnes âgées, justement, qui ne vont plus avoir de permis de conduire. À un moment donné, il y en a certains qui ne peuvent plus pour des raisons de santé. Il y en a d'autres que pour des raisons à notre âge. Vous imaginez-vous pas avoir d'auto? Toi, Mathieu, as-tu une auto? J'ai pas d'auto, j'ai pas de permis non plus. Ah! Donc, toi... Je suis à pied. Puis tu vis bien avec ça? Je vis très bien parce que tout est proche. Ah, ben oui, c'est ça qu'il disait, justement. Ouais, tout est obligé d'être proche aussi, là. Exactement. Je choisis mon appartement par rapport à ça. Trouvez le film, mesdames, messieurs. En anglais, c'est Twister. Le film Tornade. Oui. C'est sorti en 1996. C'est avec Ellen Hunt, tu sais, qu'on voit d'ailleurs dans plusieurs films. Puis Bill Paxton, Philip Seymour avait joué là-dedans. Carrie Hells, qui avait aussi joué dans La Princesse au bouton, Princesse Bouton d'Or. Ouais, ouais, exact. Ah, ok, oui. C'est vraiment un film qui avait fait beaucoup jaser. Vous avez jamais vu ça? Non. Moi, ce film-là m'avait tellement foutu la trouille qu'à chaque soir, je me couchais en me disant « J'espère qu'il n'y aura pas de tornade. J'espère qu'il n'y aura pas de tornade. Je suis pas prête à ça. Mes parents n'ont pas construit de bunker. » Avec les changements climatiques... en tout cas... les amis, on va en faire quelques derniers, mais très, très, très, très rapidement. Oui, je vais en parler, en fait, de deux derniers. Vite, j'ai un lien que j'ai mis. C'est faire du barbecue, mais en hiver. Ah! Sur le balcon? Oui, ben il précise que ça prend beaucoup de propane, presque la moitié plus de propane. En tout cas, c'est intense. Mais c'est possible. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis un lien pour comment faire du barbecue en hiver. Et le dernier lien qui était le lien... c'est vrai, j'ai même pas dit les pages. Depuis le début, je dis plus les pages. Bon, ben c'était grave, 20 à 30. Comment cruiser dans les bars? Ouais. Alors, c'est quoi le lien avec l'impossible? Ouais. Ça, probablement qu'il dit à un moment donné, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Genre du... Mais c'est, si vous voulez, si vous êtes féministe ou que vous avez le moindrement de conscience en tant qu'homme et que vous allez lire ça, juste pour être soit choqué, rire comme Tania. Ouais, t'en as lu un bon, ouais. Dis. Oui, non, c'est surtout que toi, t'entends pas ce qu'il y a dans nos oreilles présentement. Ouais, je sais, ben, je me disais que la chronique finirait assez vite pour qu'on ait pas besoin de la changer, mais comme t'es si transparente. Ouais, je sais. Ça a l'air que le choix de la place, c'est vraiment très important. Mais tu sais, ici à Trois-Rivières, mettons, là, t'as pas trop de choix. Le temple. Ouais, c'est le ça. C'est, si tu veux vraiment draguer, va au temple. Oui, ben, entre autres, ce site-là, à un moment, classe les filles selon lesquelles à éviter dedans, lesquelles à aller voir. Ouais, c'est un petit peu plus bas. C'est quand même drôle. Ah, là, les différents types de femmes. L'allumeuse, la femme ouverte, la timide, l'imbibée. L'imbibée. La sociale. Je veux vraiment lire sa description. Elle boit énormément. Et finit à moitié nu sur la piste à se frotter à tous les hommes. Ça, c'est l'imbibé. Messieurs, moi, je vous dirais de vous rester éloignés. Des imbibés. Et juste pour vous donner le ton du site, la description de l'imbibé finit par « Ce profil est très facile... » Bouge pas. Ce profil est très facile à ramener chez soi, mais ne représente aucun challenge. Ah, oh, c'est plus du ramassage que de la séduction. Ah oui. Voilà. À la petite cuillère. C'est terrible. Wow. Bon, fait que je sais qu'il y en a une partie qui vont se garocher sur le site, puis d'autres qui vont être totalement offusquées. Voulez-vous savoir c'est quoi le challenge? Vas-y, rapide. Parce que la vraie challenge, c'est la sociable. Elle est venue avec un groupe d'amis qu'elle lâche pas, elle semble connaître tout le monde dans la boîte et elle rit aux éclats. Ah. Finalement, c'est comme si tu veux te trouver une blonde. ou un coup d'un soir. En tout cas... Ou un coup d'un soir. Un one night, ça arrive. Merci Gabriel, pas Gabriel, excuse-moi, Frédéric Bernard. Ben ouais, c'est ça, tu m'aimes plus, tu détruis mes chroniques, tu changes mon nom. Non, on veut te revoir la semaine prochaine, toujours les mercredis à 8h30, 45 environ. Oui. Merci Fred. Au plaisir. Merci Fred. Oui.

personne, mon gars, work. Check-moi, point, make it, man. Si ta mère est pas bien, ben, bordel, t'es dingue, clean, essaye, comment t'es stay bad, mais son wedding. C'est 24, pretty much break over, mon way. Gonna get my shit on the front, otherwise, je t'en trouve plus, mon way. That's right, focus, mon way. That's right, pull it, mon way. Stay down avec ce shit, là, laisse ton bar, pretty dingue, dis mon way. C'était la pièce That's Chemistry de Young Rival, précédée de Dead Obies avec Away à Assemblage Requis. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Plan extrêmement chargé, on a défoncé d'une demi-heure. Mais ça valait tellement la peine. Absolument, pour parler avec le cuisinier paresseux Nicolas Moreau. On vous rappelle que son livre est Cuisine des étudiants. On remercie aussi Sébastien Guerfin qui était là pour sa chronique Butin Guerfin, ensuite Frédéric Bernard et Google Globe. Demain l'émission, en fait, ça va être une émission de meilleurs moments. On sera pas en direct parce qu'on rénove le studio de fond en comble toute la journée demain et vendredi jusqu'en après-midi. Mais il va y avoir des émissions préenregistrées, ne vous en faites pas. Il va y avoir quelque chose en onde, mais nous ne serons pas en direct parce qu'on veut vous le dire. Oui, nous demain on va faire la grasse matinée. Exactement. Et après on va aller se faire des smoothies. Ce livre-là va servir. Ah, c'est sûr. Merci, Tania. Merci, Mathieu. Restez à l'écoute pour le dîner de con qui s'en vient à 11h. Ensuite, il y aura à 15h le retour du Mathieu Plante. Je crois que Mathieu Plante va être là. À 17h, l'émission de musique électronique audiomatique. Et en soirée, à partir de 20h, c'est Radio Sonic, c'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Et on se retrouve demain, entre guillemets. Ouais, entre guillemets. Bonjour. Bye. C'est assez fait, 80 heures. Hey man! Ouais. Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide? Connais-tu, c'est fou? Mais hein, que je connais ça. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles. Parfait, mais y'a rien. Y'a qu'une chose que tu sais pas. C'est que toi aussi tu peux animer assez fou. Étudiant ou pas, l'expérience n'est pas nécessaire et la formation est incluse. Je savais pas ça. Le formulaire, les informations... Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Sur cifou.ca. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à Cifou 89.1. Vous êtes geek assumé? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante vous comprend. Retrouvez Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait, Tech Edition, la chronique jeux vidéo de Samuel Girard, en plus d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h.